Ce panneau annonce la proximité des feux tricolores. Il est surtout utilisé lorsque la présence des feux peut surprendre les usagers.